Centre universitaire apostolique CUA d'Abomey Calavi, créé le 19 mars 2006. Sa vision, voir le règne de Dieu augmenter dans le cœur des étudiants. Il est situé à Zobadje, cité La Victoire. Thème de l'année 2024 au CUA, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, verset 31. Le département du multimédia et de la communication DMC du CUA vous invite à suivre attentivement la prédication du dimanche 2 juin 2024 avec l'assistance du Saint-Esprit. Orateur du jour, Galbert Renouvé. Peuple de Dieu, bonjour. Est-ce que vous pouvez mettre vos mains ensemble pour glorifier le nom de notre Dieu? Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Nous donnons toute la gloire à toi parce que tu es Dieu. Tu es le Créateur de l'univers et des cieux. En toi, nous plaçons toute notre confiance. Car ce matin, tu veux encore nous parler. Nous demandons que ta présence se manifeste au milieu de nous ce matin. Ô Seigneur, que ton esprit descende parmi nous. Utilise-moi comme un instrument et non comme un homme. Mets les mots nécessaires dans ma bouche pour parler à ton peuple ce matin. Ô Seigneur, communique ta parole à ton peuple. Communique ta parole à un frère ce matin. Merci à ton nom parce que tu es au milieu de nous ce matin. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bonjour à vous. Nous donnons ce matin toute la gloire et reconnaissance à l'Éternel pour la grâce qu'il nous donne à chacun de nous d'être dans sa présence ce matin. Vous savez, notre Dieu est un bon Père. Il veut rien que du bonheur pour nous. Il est là pour notre bonheur. Et il a un plan merveilleux pour ses enfants. Je voudrais utiliser l'occasion de ce matin où nous sommes dans sa présence pour parler avec nous, pour nous communiquer au travers de sa parole. Il est disposé à utiliser ce moment précis pour peut-être instruire quelqu'un, soit conseiller quelqu'un, ou changer le cours de la vie d'un homme, restaurer une vie, peut-être la vie d'une femme, et pourquoi pas sauver toute une famille. Ce matin, nous démarrons une nouvelle série de prédications orientées sur le thème principal de l'année. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce thème de l'année fait appel à deux expressions intimement liées par une relation logique de cause à effet, c'est-à-dire un acte ou un fait à poser, une action à mener, une attitude à adopter, ou beaucoup plus, je dirais, une décision à prendre. Et une fois cette décision est prise, ou la condition première est remplie, la seconde n'est qu'un effet qui est observé. Et la première expression de ce thème principal de l'année, c'est croire au Seigneur Jésus. La seconde expression, toi et ta famille, vous serez sauvés. Le mot famille désigne l'ensemble des personnes avec qui nous avons un lien de parenté et dont leur situation heureuse ou malheureuse peuvent nous affecter. Et donc, il y a des vertus que nous pouvons observer pour non seulement nous-mêmes de nous sauver, mais de préserver nos familles des situations malencontreuses ou désastreuses qui peuvent nous affecter. Et l'une des clés ce matin que je voudrais partager avec vous, c'est l'obéissance à Dieu. Notre obéissance à Dieu peut déclencher notre propre salut et celle de notre famille. Nous allons voir cette obéissance avec un homme qui a obéi à Dieu. L'exemple de Noé dans la Bible. Je voudrais qu'on ouvre nos Bibles et qu'on lise dans le livre de Genèse, chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au chapitre 7, premier verset. Genèse, chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au chapitre 7, premier verset. Je lis ainsi. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement sur le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la prospérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche. Toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen. Nous intitulons le thème du message de ce matin, Noé sauve sa famille par son obéissance. Nous allons aborder le message en deux parties. Une première partie, Dieu décrète sa colère contre la perversité humaine. Mais Noé trouve la grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu décrète sa colère contre la perversité humaine, mais Noé trouve la grâce aux yeux de l'Éternel. Deuxième partie, Dieu planifie avec Noé le projet de délivrance de sa famille. Dieu planifie avec Noé le projet de délivrance de sa famille. Nous allons aborder la première partie de ce message. Vous savez, avec moi, quand vous lisez la Bible, le livre de la Genèse nous rapporte l'histoire de la création du monde. Comment Dieu a créé les cieux et la terre ainsi que toute chose qu'il renferme, et comment il a formé l'homme, puis la femme à son image. Dieu aimait Adam et sa femme Ève, parce qu'il les aimait et voulait leur bien. Il les a placés dans le jardin d'Éden. Un endroit où il ne manquait de rien. Adam et Ève ne manquaient de rien et ne souffraient aucunement de quoi que ce soit. Et ils avaient reçu dans ce jardin l'autorité et le mandat de dominer toute la créature. Mais, surtout à Éden, ils pouvaient vivre en parfaite harmonie et communion avec Dieu. En effet, Dieu prenait plaisir à passer du temps avec les hommes, à bâtir avec eux cette relation d'amour et de confiance. Ces derniers n'étaient soumis qu'à une seule restriction, une seule condition. Et la condition, c'est obéir simplement à Dieu. Malheureusement, le dessein de Dieu pour l'humanité, son dessein quand il a créé l'humanité, la terre et toutes choses qu'il a créées pour donner sa gloire à son nom et surtout pour que les humains lui obéissent, suivent ses ordonnances. Malheureusement, cette vision, ce dessein de Dieu n'a pas pu évoluer. Très tôt, la volonté première de Dieu pour l'humanité, bien-aimée dans le Seigneur, fut brisée. Et le mal a commencé à tisser sa toile destructrice. Les faits se succèdent rapidement et Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden. Leur fils aîné devient un meurtrier et le mal engendre le mal jusqu'à ce que la perversité des hommes devienne vraiment grande sur la terre. Si nous regardons le verset 5 du chapitre 6, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. À l'époque, les hommes étaient devenus très méchants. Tout était corrompu à l'intérieur et tout était injuste à l'extérieur. Ni la science, ni la pratique de la religion n'existaient. La piété avait disparu. Et toutes les formes de perversité et d'abomination, de souillure, étaient pratiquées par les hommes. Cette méchanceté était grande et a été multipliée. Elle augmentait continuellement, de sorte que la terre entière était vraiment corrompue et remplie de violence. La débauche à tous les niveaux. La cruauté, l'oppression entre les classes inférieures et les classes supérieures. Toutes les imaginations de leurs pensées étaient mauvaises. Chaque idée, la perception des choses, chaque conception des hommes en ce moment, leurs souhaits, leurs désirs étaient incurablement empoisonnés. Mais en ce moment, le mal avait son empire souverain et dominant. Ces mêmes attitudes, nous les observons aujourd'hui dans notre monde. Nous pouvons observer aujourd'hui la légalisation et la législation de certaines pratiques de perversité et d'abomination dans nos sociétés. Les pratiques d'homosexualité, la pédophilie, des parents qui abusent sexuellement de leurs enfants, des pratiques qui suscitent la colère de Dieu. Verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Dieu, malgré sa grande miséricorde, est tellement irrité qu'il est déterminé à détruire l'œuvre de ses mains. Alléluia. Verset 7. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. » Combien le mal a dû être grand et a obligé Dieu le plus compatissant à prendre cette décision douloureuse. Dieu a pris cette décision douloureuse d'exterminer la vie sur la terre. Mais il y a une chose très curieuse. Curieuse, puisqu'à cette époque, Un homme trouva grâce aux yeux de Dieu, même dans un monde plein de méchanceté et de perversité. Cet homme, on l'appelle Noé. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, malgré la méchanceté qui régnait, la perversité, l'abomination, toutes les formes de méchanceté qui régnaient dans le monde. En ce moment précis, il y a un homme, un seul homme, qui trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais qui était-il, ce Noé? Noé est de la descendance d'Adam et précisément le fils de Lémec. Quand nous lisons Genèse chapitre 5, le verset 29, on nous donne la signification de son nom. Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Qu'il vous souvienne qu'après la désobéissance de Adam et de Ève, Dieu les a maudits et leur a dit, vous travaillerez désormais à la sueur de vos fronts. Donc c'était pénible pour eux en ce moment. C'est dans cette condition que Noé était né, mais son père l'avait destiné pour sauver le peuple de ce moment de la souffrance et de la misère. Noé, âgé de 500 ans, il avait eu 500 ans avant d'avoir ses trois fils, Sem, Cham et Japhet. La Bible ne nous donne pas assez de détails sur la vie de Noé avant le déluge. Mais nous pouvons dire que Dieu le connaissait très bien. Dieu savait qu'il était l'exception de tous les hommes de son époque. Noé obéissait strictement à la volonté du Seigneur en se démarquant de la perversité de son environnement. Et voilà pourquoi il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Quand vous regardez le verset 9 du chapitre 6, la Bible précise, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Toute personne qui obéit à Dieu reçoit toujours la grâce ou la faveur de Dieu, non seulement pour lui-même, mais pour sa famille, et parfois même la bénédiction s'étend sur plusieurs générations à cause de l'obéissance de cette personne. Nous avons l'exemple du patriarche Abraham qui a été mis à l'épreuve quand l'Éternel lui ordonne d'offrir en holocauste son fils unique. Le fils qu'il a eu dans des conditions assez difficiles et complexes, compliquées, des années de stérilité avant d'avoir ce fils. Et Dieu lui demande encore, consacre-moi ce fils. Abraham n'a pas hésité. Abraham n'a pas posé de questions. Il s'est consacré à obéir à Dieu. Et quand il a obéi à Dieu, vous allez peut-être lire après Genèse 22, verset 15 à 18, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta prospérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta prospérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité parce que tu as obéi à ma voix. Comme Abraham et avant Abraham, Noé, que nous voyons ce matin, aussi a obéi au Seigneur. Abraham reçut la promesse de la bénédiction pour lui et sa prospérité parce qu'il a obéi à l'ordonnance difficile et incompréhensible aux yeux des humains. Nous allons nous poser la question de savoir, est-ce que dans un monde actuel, plein de perversité et de méchanceté, où les hommes ont décidé de tourner dos à Dieu et adopter des pratiques contraires à ce que le Seigneur nous prescrit, Dieu peut-il trouver quelqu'un comme Noé qui lui obéit? Est-ce que Dieu peut trouver parmi le peuple du CUA aujourd'hui quelqu'un comme Noé qui lui obéit? Dans notre communauté, dans ton village, dans ton arrondissement, dans ta commune, dans ton département, dans le Bénin où nous sommes aujourd'hui, où le culte de l'idolâtrie est devenu la chose la plus facile, est-ce que Dieu peut trouver des Noé dans ce Bénin? Est-ce que ta vie ressemble à celle de Noé qui fit l'exception dans un environnement corrompu? Noé ne s'est pas laissé affecter, mais il a opté pour l'obéissance à Dieu. Parfois, certaines questions nous viennent à l'esprit. Est-ce qu'il est possible de tenir ferme avec Dieu quand nous nous retrouvons dans un monde de péché, dans un environnement de péché? Est-ce qu'il est possible? Ce matin, Noé nous donne le bon exemple. Mais pourquoi nous devons obéir à Dieu? Pourquoi Dieu veut-il que sa créature, les humains, lui obéissent? C'est pour plusieurs raisons. Obéir à Dieu, c'est parce qu'il est notre créateur, il est le Père, il est Seigneur et Maître de l'univers. Et bien, obéir à lui, c'est lui montrer que nous avons confiance à lui et que nous savons qu'en tant que Père, il veut le meilleur pour nous. En tant que Seigneur, il sait ce qui est mieux pour nous. Et en tant que Maître, il a le pouvoir d'accomplir ses projets pour nous. Deuxième raison, Dieu veut que nous lui obéissons parce que il veut que nous puissions lui prouver notre amour. Dieu veut que notre amour pour lui soit vrai, véritable et sincère. Chaque fois que nous obéissons à Dieu, il se sent aimé. Et cela prouve que nous sommes reconnaissants envers lui. En conséquence, notre attitude à obéir détermine l'amour que nous avons pour Dieu. Jean 14, 21, Jésus dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Alléluia. Une autre raison, c'est parce qu'il nous permet de jouir. Dieu veut que nous puissions jouir de la plénitude de la vie sur terre et d'avoir également la garantie de la vie éternelle. Non seulement pour nous-mêmes, mais également pour notre famille. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous nous allions dans son plan parfait pour nous. Il est fier de nous. Et nos vies lui plaisent. Et il nous accorde sa faveur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous restons couverts par la grâce de Dieu, sa miséricorde et sa protection quand nous lui obéissons. Je vais vous poser la question ce matin de savoir, Dieu a peut-être choisi une occasion particulière, une expérience spéciale, comme peut-être celle d'Abraham ou celle de Noé, où tout ce qui se passait autour de lui, on ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait faire l'exception. Mais Noé a fait l'exception au milieu de sa génération. Est-ce que toi et moi, nous pouvons faire l'exception de notre génération? Peut-être dans une situation compliquée, selon le jugement humain, est-ce que nous pouvons faire l'exception? Tu résistes encore à obéir à la voix du Seigneur. Ce matin, le Seigneur t'appelle à lui obéir, comme Noé l'a fait, comme Abraham l'a fait, et comme bien d'autres l'ont fait. Dieu attend que tu acceptes simplement ce qu'il te demande pour délivrer toute ta famille. Il veut que tu fasses l'exception dans ta génération. Il veut que tu fasses l'exception au divorce. Dieu veut que toi, tu fasses l'exception au divorce. Même si les statistiques dans le monde montrent qu'un taux de plus de 70% des divorces sont observés après les mariages dans le monde. Dieu t'appelle, toi et moi, ce matin, à faire l'exception à la vie de débauche qui se mène aujourd'hui dans notre génération. La vie de débauche que tu observes avec tes collègues ou même dans ta famille. Dieu nous appelle ce matin à résister fermement à nos amis qui pratiquent l'homosexualité, à nos amis qui pratiquent des choses ignobles à Dieu. Dieu t'appelle ce matin, toi, jeune fille, à aller contre l'avortement. Car ceux qui se livrent à la pratique de l'avortement se verront frappés par la colère de Dieu s'ils ne se repentissent. Les cas d'avortement sont légion dans nos communautés, même dans l'église de Dieu. Les gens pratiquent l'avortement comme si c'était les besoins quotidiens de sel ou de pipi que nous avons. La colère de Dieu sera immense. Le Seigneur nous appelle à nous éloigner de ces choses pour la délivrance de nos familles. Dieu veut que toi, en tant qu'enseignant universitaire ou enseignant dans le secondaire, tu ne te laisses pas piéger par le comportement de tes collègues qui accèdent aux harcèlements des étudiants ou élèves ou bien qui bloquent ces dernières parce qu'elles n'ont pas accepté se livrer à leur harcèlement. Dieu t'ordonne de ne pas te laisser emporter par le marketing des grands réseaux de richesse, la pression de la franc-maçonnerie, la pression des équistes, la pression des illuminates, de la Rose-Croix, des sectes, que sais-je encore. Dieu te demande ce matin de ne pas céder à cette pression. Il te demande de faire l'exception comme Noé l'a fait dans cette communauté de perversité et de méchanceté de sa période. Le Seigneur te promet ce matin les bonnes choses. Alléluia. Ces réseaux qui promettent la richesse, qui promettent l'emploi de haut niveau, ils oublient qu'il y a Dieu qui détient la clé qui peut fermer une porte qui ne peut pas être fermée. Et qui peut ouvrir une porte qui est fermée. Dieu peut te positionner, même si les hommes de ce monde refusent, et ils sont contre, et ils pratiquent des choses, et ils t'obligent à faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Dieu qui a créé le monde, il est capable de te positionner. Dis Amen. Dieu attend que nous puissions lui consacrer entièrement notre vie. Il veut que nous puissions lui faire confiance en lui obéissant, en obéissant à sa parole. Et nous-mêmes, nous serons sauvés ainsi que notre famille. L'obéissance de Noé a valu la confiance de Dieu. Et Dieu fait le projet de la délivrance de sa famille avec lui. Est-ce que Dieu peut faire le projet de délivrance de ta famille avec toi? Je ne sais pas quelle est ta situation. Quel est ton cas ce matin? Vous savez, quand nous livrons la suite de notre test, on va découvrir que Dieu révéla son plan à cet homme exceptionnel appelé Noé, puis lui donnant des instructions précises. La première instruction, il dit, fais-toi une arche. Fais-toi une arche. Noé devait d'abord décider d'obéir aux instructions de Dieu dans leur totalité avant que les autres détails ne lui parviennent. Il lui a donné une première instruction, fais-toi une arche. La deuxième instruction, Dieu lui donne les détails sur la construction de l'arche, les dimensions et les caractéristiques. Dieu avait une certaine compréhension de ce que l'arche devrait pouvoir flotter sur l'eau, quelle que soit la hauteur. Et il décrit la dimension que l'arche devrait avoir. en prévoyant et fenêtres, et portes, et les escaliers qu'il faut pour monter à chaque niveau. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous découvrons ces choses, l'homme qui a fait l'exception de son temps, Dieu lui révèle et lui donne les instructions pour sauver sa famille. Sauver non seulement lui-même, mais sauver sa famille. Dans les moindres détails, Dieu donne les instructions à Noé, même ceux qui doivent entrer dans l'arche, y compris les membres de sa famille. La Bible ne nous donne pas des détails sur quelle était l'attitude de sa femme, de ses enfants, de tout ce que Dieu a cité qui pouvait rentrer dans l'arche avec lui. Mais lui seul, sa grâce a suffi pour que sa famille soit sauvée. Lui seul a suffi pour que Dieu décide de perpétuer l'humanité sur la terre après le déluge, à cause de l'obéissance de Noé. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Le Seigneur a tout révélé à Noé. Est-ce qu'il te révèle les choses ce matin? Ou bien il t'a peut-être déjà révélé des choses sur ta famille. Il t'a peut-être donné des instructions que tu dois suivre. Mais tu hésites, et tu hésites, tu hésites, et tu hésites encore. Dieu a décidé de détruire le monde, d'exterminer la vie sur terre. Mais quand nous regardons le verset 18, « Mais j'établis mon alliance avec toi. » C'est la bonne nouvelle pour Noé et sa famille. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les enfants de tes fils avec toi. Dieu donne à Noé toutes les directives comme je l'ai dit. Et à la fin, chapitre 7, le premier verset, l'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Alléluia. Est-ce que le Seigneur peut te dire ce matin, entre dans l'arche, toi et ta famille, toi et ta maison. Voilà la bonne nouvelle que Noé a eue pour sa famille à cause de l'obéissance. Nous allons finir ce message, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, et vous dire que Noé a pu résister à la méchanceté et à la perversité humaine de son temps par son obéissance à Dieu. Et cette obéissance lui a valu la vie sauve, non seulement pour lui-même, mais pour sa famille. Et cette obéissance à Dieu a permis de perdurer l'humanité sur la terre. Peut-être tu es cette personne qui obéit au Seigneur et Dieu te fait grâce, mais cette grâce est limitée à toi et à toi seul. Le Seigneur te donne des instructions sur l'arche que tu dois construire et te montre clairement ce que tu dois faire pour délivrer ta famille, mais tu résistes encore et tu refuses d'obéir. C'est peut-être ton cas. Moi, je ne sais pas. Quand Dieu a donné des instructions à Noé, il est passé à l'acte sans poser aucune condition. La Bible dit, Noé s'exécuta. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait demandé de faire sans poser aucune question, aucune condition. Tant que le Seigneur t'a convaincu de ce que tu dois faire, bien-aimé dans le Seigneur, ne traîne pas les pas. Ou bien, est-ce que tu es comme ceux qui hier ont une vie qui honore le Seigneur et aujourd'hui, ils sont emportés par le vent des réalités de notre monde? C'est probable, c'est possible. Et demain, ils font peut-être semblant de revenir ou d'obéir, Ils sont dans l'hésitation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne sais pas si tel est ton cas. Quel est ton cas, ma sœur? Quel est ton cas, mon frère? Le Seigneur te dira-t-il, comme il a dit à Noé, mon fils, ma fille, toi, mon fidèle serviteur, entre, toi et ta famille, dans la gloire éternelle à la droite du Père. Ou bien, il te dira qu'il ne te connaît pas. Qu'est-ce que le Seigneur te dira quand il reviendra pour nous prendre avec lui? Est-ce que tu es comme ceux qui pensent qu'il n'existe plus d'espoir, ni pour eux, ni pour leur famille, car leur vie est semblable à un schéma de non-retour, et ce n'est que le sort triste de la souffrance éternelle qui les attend? Si tu es dans ce cas, détrompe-toi. Christ est mort sur la croix à cause de tes péchés. Il est à côté de toi et demande que tu puisses lui obéir, que tu crois en lui et que tu l'acceptes comme l'unique sauveur personnel. Il t'appelle à obéir à lui. Ainsi, toi et ta famille, vous serez sauvés. Par la grâce et par le sang que Christ a versé, il est prêt à effacer tes péchés et faire de toi une nouvelle personne. Et faire de toi une nouvelle personne qui doit pouvoir délivrer sa famille. Mais il te suffit juste de prendre la décision d'obéir au Seigneur, de t'abandonner à lui et de faire entièrement confiance au Seigneur et faire sa volonté. Et tu verras, il te donnera les instructions nécessaires pour ta délivrance et la délivrance de ta famille. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est la fin de cette prédication. Merci de l'avoir suivi de bout en bout. Que Dieu bénisse votre écoute et vous donne la force d'appliquer sa parole. Centre Université Apostolique CUA. Pour tout renseignement sur le centre, veuillez composer le +229 95 30 54 28.